Chapitre 2. Marguerite. Il aimait, et dans son amour tout avait été englouti, mère, amis, travail. Pendant les premières années de son séjour à Paris, travailler, se faire un nom, avait été son seul but. Mais, insensiblement, il avait été mordu au cœur par des convoitises, qui chaque jour étaient devenues plus impatientes. Emporté par des désirs qui ne s'étaient point usés dans des caprices de quelques nuits, par un sang qui ne s'était point rafraîchi dans de faciles plaisirs, son imagination s'était laissée aller à toutes les fantaisies de l'inconnu, et elle avait aspiré avec d'entraînante cupidité à de belles, de grandes amours. Décidément, disait-il un soir à son ami Aristide Martel, un jeune peintre dont les paysages commençaient à abandonner les hauteurs de Notre-Dame de Lorette pour se glisser aux vitrines aristocratiques des marchands de la rue Lafitte, « Décidément, il faut que j'aie une passion. » « Va, mon ami, va !» interrompit Martel. « Démange sur la corde du sentiment. Il vente au dehors. Ta chambre est bien close. Nous sommes tranquillement assis, les coudes sur la table, les pieds dans les cendres. La bouilloire chante au milieu des flammes bleues du charbon de terre. Continue tes variations, je t'écoute. » « Tu railles. Mais je t'assure que je parle sérieusement. » Quand, pour des raisons qui n'étaient pas précisément gastronomiques, nous nous rencontrions tous les jours chez Chavanas, où nous faisions de si beaux dîners pour 14 sous. Je n'avais guère le temps de songer à l'amour. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je pourrais, si cela me faisait plaisir, exposer mon portrait dans une pose mélancolique chez tous les éditeurs. Je suis un peu connu, je me crois du talent, je veux aimer. Jusqu'à présent, j'ai mené une vie de reclus. C'en est assez à la fin. Je veux aimer et être aimé. Aime, ça n'est pas difficile. Des caprices de quelques heures qui se nouent le soir dans un bal pour se dénouer le matin sur les dernières marches d'un escalier d'hôtel garni ne m'inspirent que mépris et dégoût. Alors c'est l'amour d'une grande dame que tu appelles. Je connais ce dada. Tu veux du velours et de la soie pour te rouler dessus. Mais, mon pauvre Maurice, c'est toujours la même chose, va. Cela peut te paraître bien ridicule, bien naïf, mais je veux une femme que je sois fière d'aimer. Une femme qui me grandisse à mes propres yeux. Une femme belle, jeune, entourée d'hommages, promettant toutes les joies, flattant toutes les vanités. Je veux une femme qui partage mes triomphes d'artiste, à qui je puisse dire mes pensées, qui soit mon guide, mon soutien, mon inspiration, ma récompense. Voilà mon rêve, mon dada. Enfin, je veux connaître la passion vraie. Je veux me sentir vivre, je veux souffrir, je veux jouir, je veux avoir la fièvre. Voilà le grand mot lâché. Il te faut une passion. Des phrases. Tu veux vivre, malheureux. Tu ne vivras pas, tu tueras en toi ce qui est bon. Quand tu auras connu les souffrances que tu désires aujourd'hui, seras-tu plus fort comme artiste? Tu as fait des choses qui viennent du cœur et qui parlent au cœur. Si tu peux faire encore quelque chose, tu ne feras plus que des œuvres cruelles, malsaines, mauvaises pour toi, mauvaises pour tous. De ces œuvres qu'on fait contre soi, malgré soi, tu te vengeras. Si je suis aimé, alors tu ne feras plus rien du tout. Pour l'artiste, la première règle, c'est d'être chaste. Quand je rentre le soir et que je veux me mettre à travailler, c'est en vain. Mes rêveries d'amour m'entraînent, elles emplissent ma tête. Je tombe dans d'énervantes langueurs qui m'anéantissent. Si je cherche une guérison auprès de vos femmes, à vous autres, le remède est pire que le mal, c'est de l'amour qu'il me faut. Enfin, quel amour veux-tu? L'amour d'une femme de 24 à 30 ans, n'est-ce pas? Ayant un mari, des enfants, une voiture, de la dentelle, qui viennent ici voilées, tremblantes, qui te reçoivent chez elle et dirigent sagement sa maison, sa religion, sa passion, son pot-au-feu. Ces amours-là, ça me répugne. Ce n'est pas au point de vue de la loi que je me place, au point de vue de la morale et de la famille, c'est au point de vue de la délicatesse du cœur et des sens. Les femmes sont toutes de charmantes finesses, pour nous persuader que leurs maris ne sont que des bûches retirées de l'amour. Mais il n'en est pas moins vrai que ces bûches s'enflamment quelquefois. Et alors, la femme que tu tenais tout à l'heure dans tes bras s'abandonnera parfaitement. Le mariage a ses devoirs. Moi, j'aime mieux une fille. J'en ai connu une qui n'a jamais reçu un baiser sur la bouche et n'en a jamais donné. Elle avait au moins une certaine conscience. Ainsi, tu voudrais me voir l'amant d'une fille. Je ne dis pas ça. Il y a bien assez, parbleu, de pauvres filles qui n'ont que la beauté, la vertu, la grâce et l'amour. Mais sans le luxe et tous ces prétendus attraits que tu exiges pour qu'on puisse encore être heureux. Quand tu as commencé à me défiler ton chapelet, j'avais envie de rire. Maintenant tu m'as attristé. Car je vois un bon garçon que j'aime, qui de propos délibérés s'en va défier le sort. Tu ne sais donc pas quelle influence a sur notre vie un premier amour. Les savants prétendent que la fécondation de la femme influe sur tout son avenir, et ils en donnent des preuves. Sont-elles bonnes, je n'en sais rien. Et je ne te dirai pas si la jument arabe, qui a eu un caprice pour un âne, ne peut plus avoir que des petits ânes. Mais ce que je t'affirme, d'après ma propre expérience, d'après ce que je vois tous les jours, c'est qu'il y a une fécondation intellectuelle et morale de l'homme par la femme, beaucoup plus puissante que la fécondation matérielle de la femme par le mâle. Tout homme est fait par deux femmes, sa mère et sa première maîtresse. Par malheur, la maîtresse détruit presque toujours ce que la mère a eu tant de mal à créer. Elle nous féconde en nous appauvrissant. C'est un échange qui s'établit. Elle prend ce que nous avons de bon, nous passe ce qu'elle a de mauvais, puis elle nous abandonne quand nous n'avons plus rien à donner, nous laissant meurtris, épuisés, et comme sa morsure est semblable à celle de la chèvre, la plaie qu'elle fait ne guérit jamais. On en meurt durci, rabougri. Tu serais amoureux que je ne te dirais pas tout cela. Quand un homme se noie, on lui tend la main. On ne lui fait point de discours, mais tu n'es pas encore à l'eau. Avant que tu t'y jettes, laisse-moi te sermonner. Qu'on soit pris par la passion, que malgré soi on s'y abandonne, je le comprends. C'est une fatalité à laquelle on ne peut pas plus s'échapper qu'à la fièvre typhoïde. Mais tu n'es pas malade et tu veux l'être. Ma parole d'honneur, c'est trop violent. Ce que tu me dis là peut être parfaitement vrai. Ça ne retient pas. Que je veuille ou que je ne veuille pas, j'en suis arrivé à un moment où il faut que j'aime. Mon cœur déborde. Je ne te dis pas que je vais me jeter à la tête de la première femme que je rencontrerai. Mais je veux voir, je veux chercher. Quand j'aurai rencontré, je veux aimer. Il y a assez de femmes qui sont tourmentées du même mal que moi, bah. Parfaitement. Il y a beaucoup de femmes qui se disent à cette même heure, « Mon Dieu, que mon mari est bête, que les enfants sont ennuyeux, si je pouvais être aimée. » Tu rencontreras une de ces charmantes créatures. Tu es jeune, beau, vos regards se rencontreront, vos cœurs s'accrocheront, tu l'adoreras pendant 3 mois, elle cédera avec plus de grimaces que n'en feraient les 11 000 vierges, et vous vous mettrez à jouer la comédie du sentiment. De très bonne foi, tous les deux. Je le veux bien. Mais comme elle aura déjà une revanche à prendre, tu payeras pour le mari, ou pour le premier amant. Tu deviendras inquiet, fiévreux, insupportable aux autres et à toi-même. Puis, après un certain nombre de mois, je te laisse libre de les fixer. Ta maîtresse se dira de nouveau, « Mon Dieu, que mon mari et mon amant sont bêtes, que les enfants sont ennuyeux, si je pouvais donc être aimé. » Et tu resteras tout seul, le cœur mort, l'espérance détruite, le grand ressort de la vie brisé. Tu seras comme j'en connais tant, tu riras, tu railleras en public, et quand tu seras seul, tu pleureras toutes les larmes de tes yeux, si tu peux résister à la tentation de te tuer. Tous les amants trompés ne se tuent point. Tu ne m'en dis pas plus long, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire, s'il te plaît, pour me présenter? Tu es véritablement très joli, mon pauvre Maurice. Je n'ai jamais vu de salon qu'au gymnase ou au théâtre français. Les seules grandes dames que je connais sont des grandes dames de théâtre. Et encore, est-ce par-dessus la rampe? Tu connais Denezac, parbleu, s'il était là, il te dirait même qu'il est mon meilleur ami. Sur ta recommandation, il me présentera. Où tu voudras? Chaussée-d'Antin, Marais, Faubourg Saint-Germain, à ton choix. Il connaît Dieu et le diable, fait de la peinture, de la littérature, de la sculpture, de la musique, et pas trop mal. Assez proprement même, pour éblouir les bourgeois qui le croient un artiste. Viens me prendre demain, nous irons chez lui. Mais si tu es sage, réfléchis et ne viens pas. » Le lundi suivant, à 9 heures du soir, Maurice était assis sur les coussins d'un canapé de remise à côté de Denezac. « Cher monsieur, disait celui-ci, je ne vous affirmerai pas que la maison de Madame Baudistel est la première maison de Paris. Tout le monde ne voudrait pas y aller, mais tout le monde non plus n'y serait pas reçu. Vous trouverez là une société assez mélangée, dans tous les cas pas du tout vulgaire. Des médecins et des avocats qui veulent devenir des journalistes qui veulent devenir des spéculateurs, beaucoup de gens d'affaires. Vous y trouverez aussi quelques hommes qu'il est bon de connaître et qui peuvent vous pousser. Si Martel avait voulu venir, il y a longtemps qu'il vendrait ses tableaux. » Denezac fit à Maurice, dans les plus petits détails, l'histoire et la chronique de la maison Baudistel. Il lui dit comment M. Baudistel, ayant mis sa turbulence provençale en action au lieu de la dépenser en paroles, ainsi que beaucoup de ses compatriotes, était venu à Paris ambitieux et misérable. Comme il avait fait une première fortune, comment il l'avait perdue, comment il en avait refait une autre, comment il était sorti, à son plus grand avantage, de deux ou trois faillites ou exécutions à la bourse, quelles avaient été ses spéculations, la part qu'il avait prise dans cinq ou six grandes affaires scandaleuses, les sociétés dont il était le gérant ou l'administrateur caché, les journaux qu'il avait fondés, comment il était arrivé à grouper un chiffre de millions assez formidable et assez éblouissant pour lui donner honneur, considération et crédit. Il lui dit encore comment, à la vente de Guggenheim, le banquier allemand, il avait acheté son bel hôtel de la rue de Varennes. Il lui dit comment, au grand étonnement de tous ses amis et ennemis, il avait épousé une jeune fille, Mademoiselle Marguerite de Fargis, pauvre, mais alliée à deux ou trois des... Mademoiselle Marguerite de Fargis, pauvre, mais alliée à deux ou trois des bonnes familles de France. Enfin, comme une gazette vivante, il lui apprit tous les faits grands ou petits, tous les bruits, vrais ou faux, qui se rapportaient à la maison dont il se disait l'ami. Quand, par la porte du salon, un valet cria son nom et celui de Donézac, son cœur battit. Il lui sembla qu'il était quelqu'un. On lui fit force compliments. Chose plus rare et plus flatteuse, on eut, sinon des prévenances, au moins de l'attention pour lui. C'était, chez Madame Baudistel, une habitude invariable de faire aux nouveaux venus les honneurs de la soirée. Elle paraissait avoir 26 ans. Brune, grande plutôt que petite, un peu grasse, et dans toutes ses attitudes, soit de mouvement, soit de repos, d'une pureté de ligne et d'une beauté de forme à ravir un artiste. Vers minuit, elle pria Maurice de prendre le thé avec quelques intimes. Ce fut alors seulement que M. Baudistel parut. C'était un petit homme sec, nerveux, tourmenté d'un asthme et de terribles insomnies. Son visage était jaune, comme s'il eût été couvert de poussière d'or. Les deux époux présentaient un contraste absolu et un certain ridicule même en rejaillissait sur le mari. Comme à son ordinaire, il avait travaillé toute la soirée. Il salua Maurice négligemment, parla peu et se retira presque aussitôt. En rentrant chez lui, Maurice ne pensa qu'à Madame Baudistel. Jamais une femme ne lui avait révélé aussi complètement la beauté. 8 jours après, il se présenta pour faire sa visite et fut invité aux petites réunions du lundi. Malgré les ardeurs avec lesquelles il voulait un amour, ce ne fut pas sans de longues craintes, sans de douloureuses hésitations, qu'il reconnut en lui-même la toute-puissante passion qu'il avait désirée. Car il la sentait si envahissante qu'il se voyait entraîné et comprenait que c'était folie de s'abandonner. Cependant, il s'abandonna. Il se dit bien que s'engager dans cette voie, c'était briser à jamais son avenir. Cependant, il s'y engagea. La passion était entrée dans son cœur, elle l'avait emplie, elle en avait chassé tout le reste. Il était l'esclave de l'amour, il n'écoutait plus que lui, il n'aimait plus que lui. En descendant rapidement vers la rue de Varennes, il avait de terribles angoisses. « Comment va-t-elle me recevoir ?» se disait-il. Il ralentissait le pas, il s'arrêtait, il avait peur. Il aurait voulu retourner en arrière. Dans le salon, c'était des frayeurs nouvelles. Quels seraient les visiteurs ? Remarquerait-on sa présence ? Parlerait-on de son assiduité ? C'était en tremblant qu'il entrait. Son embarras recommençait de plus belle. Il ne fallait pas attirer l'attention, exciter la jalousie des gens précisément les plus jaloux du monde, et il ne fallait point non plus, cependant, passer pour un sot auprès de la maîtresse adorée. Cruelle alternative, qui exigeait toute son application et paralysait sa verve, alors qu'il aurait si bien voulu montrer devant elle ce qu'il y avait en lui de cœur, d'esprit et d'enthousiasme. Si Marguerite lui disait une bonne parole en lui tendant la main, ou si, dans la conversation, elle le regardait pendant un peu plus qu'un instant, c'était à peine si la porte de la rue de Varennes était assez haute pour le laisser sortir. Il répétait ses paroles, il frissonnait au souvenir de son regard, il était ébloui, transporté. Il était quelque chose dans ce vaste Paris qui dormait dans sa tranquille insouciance. Il n'avait que de la pitié et du mépris pour ses riches demeures emplissant la rue d'ombre, pour leurs hôtes moins fortunés que lui. Elle lui avait parlé, elle lui avait souri. Avait-il un égal sur la terre ? De tout son être partaient des frémissements qui faisaient éclater en son âme un hymne d'allégresse. Elle lui avait souri, elle lui avait parlé. Tout espoir ne lui était donc pas interdit. L'hymne devenait plus tendre, il avait toutes les hardiesses, il chantait les joies de l'amour triomphant. Mais il arrivait aussi que Marguerite quelquefois l'oubliait parfaitement pour un nouveau venu, ou pour une illustration naissante. Alors c'était des désespoirs qui ne pouvaient se comparer qu'à ses bonheurs passés. Elle ne l'aimerait jamais. Déjà peut-être voulait-elle lui montrer qu'il était important. Sans doute bientôt elle le congédierait, si lui-même ne renonçait pas à venir. Bientôt les soirées du lundi ne suffirent plus à l'exigence de ses désirs. Mais comme il n'avait point accès dans les maisons où allait Marguerite, et ne pouvait songer à s'y faire recevoir, il dut chercher quelque moyen de la rencontrer ailleurs. Elle allait le jeudi aux Italiens, il y alla. Elle arrivait, et en s'asseyant, elle distribuait ses saluts et ses minauderies. Lui la regardait, attendant patiemment qu'elle daignât l'apercevoir. Au milieu du dernier acte, il sortait et allait se mettre en faction avec les valets de pied au bas du grand escalier des loges. Elle passait enveloppée dans sa pelisse. Il la suivait sous le péristyle, et pendant que l'on faisait avancer son coupé, il la voyait encore une dernière fois. Elle relevait sa robe pour sauter des marches dans la voiture, sa taille se tordait, les chevaux partaient, la vision était évanouie. Il avait donc 2 jours de bonheur sur 7. Ce n'était pas assez. Elle suivait les premières représentations, car elle était de ce tout Paris inventé par les feuilletonistes. Maurice ne manqua point une seule de ces réunions exceptionnelles. Puis, comme plus il la voyait, plus il la voulait voir, il sacrifia les heures consacrées à ses leçons, qui étaient sa vie même, comme il avait déjà sacrifié les heures de son travail, qui était sa seule chance de gloire. Et tous les jours, il vint attendre son passage dans les Champs-Élysées. Lorsqu'il faisait du soleil, il s'asseyait au pied d'un arbre. Lorsque le vent soufflait glacial, il arpentait à grands pas l'asphalte du trottoir, les yeux sur la chaussée, épiant les voitures. Il la devinait de loin, et ne la perdait pas de vue au milieu des équipages. Nonchalamment étendue, chaudement blottie dans ses fourrures, elle passait indifférente. Quelquefois elle n'était pas seule. Quelquefois on la distinguait à peine derrière la vitre relevée, déjà obscurcie par le froid. C'était trop facilement qu'il pouvait compter les jours où il recueillait un sourire, et cependant, il ne s'éloignait jamais, qu'il ne l'eût plus ardemment regardée et contemplée lorsque, vers la nuit tombante, elle revenait de sa banale et indispensable promenade. Même chez lui, surtout chez lui, dans cette chambre où il avait autrefois si courageusement passé tant de jours et tant de nuits au travail, il ne trouvait plus ni joie ni repos. Aussi, au lieu de revenir travailler les jours où il ne devait point rencontrer Marguerite, cherchait-il tous les moyens de se distraire et de tuer le temps. Habituellement, il allait chez Martel, non seulement parce que celui-ci était son meilleur ami, mais encore parce qu'avec lui il pouvait parler d'amour. Par une sorte de respect et de pudeur, et non par défiance, il n'avait jamais nommé Marguerite, mais il avait avoué qu'il aimait, mettant une orgueilleuse ostentation à raconter ses joies et ses espérances. Pour ses chagrins et ses déceptions, il les cachait ou les atténuait. C'eût été trop tôt donner raison aux lugubres prophéties de Martel. « Eh bien, disait celui-ci lorsqu'il le voyait entrer, où en sommes-nous aujourd'hui ? Ah, mon cher, je suis le plus heureux des hommes. Vraiment, mon ami, est-ce que... Je m'en vais. Ne te fâche pas. Et puisque ce sujet est interdit, parlons d'autre chose. Fais-moi son portrait. Tu l'aimes, n'est-ce pas ? Comment a-t-elle ? Comment sont ses cheveux ? Noirs. Ses yeux ? Jaunes avec des petits points foncés. Sa peau ? Brune et veloutée. Tu parles comme un passeport. Il faut la voir, et encore, figure-toi une tête un peu petite, comme dans les statues grecques. Un front haut et bombé. Des paupières mobiles et relevées en cintre. Des yeux habituellement ternes et voilés, mais qui, dans de certaines circonstances, concentrent une puissance extraordinaire de vie et de passion. Un nez droit d'un tissu aminci et transparent, des lèvres charnues et sanguines, un menton lisse et court, des joues imperceptiblement duvetées, et des cheveux, oh, des cheveux splendides. Pour porter cette tête, mon ami, un torse admirable, une poitrine large et développée, des épaules pleines, blanches, grâce, des seins fermes, droits, et des bras durs et modelés comme s'ils étaient de marbre. Ce n'est pas tout. Elle a une façon de marcher en imprimant à sa robe des plis amples qui enthousiasmeraient un sculpteur, et dans l'art de la toilette, on la copie. Si à 20 ans on peut souhaiter une femme pareille, un peu plus tard on doit se contenter de l'admirer, attendu qu'il y a de fortes présomptions pour qu'une telle femme n'aime jamais, et que lors même qu'elle prendrait un amant, ce ne serait pas pour faire de l'égoïsme à deux, mais bien un, c'est-à-dire pour elle seule. Son amour, qui avait commencé par l'admiration, en était arrivé à l'adoration. Marguerite était la complète réalisation de son idéal, et mieux, 100 fois mieux que cela, condition inappréciable, il la connaissait assez peu pour trouver en elle tout ce qu'il voulait imaginer, pour avancer sans cesse et ne point rencontrer de terme, et se sentir assez haut dans le ciel, pour ne craindre pas qu'un horrible désenchantement le précipitât tout à coup sur la terre. Il pouvait à son aise la parer de tous ses désirs, lui donner son enthousiasme, sa chaleur d'âme. Il pouvait la créer à son image. C'était une statue commode à laquelle il pouvait apprendre, comme des ex-voto, les illusions de sa jeunesse. Il pouvait lui mettre la robe d'innocence et la couronne de virginité. Il pouvait la faire riche de toutes les qualités qu'il tirait de son propre cœur. Il pouvait la faire noble de toutes les noblesses, grande de toutes les grandeurs, vertueuse de toutes les vertus. Ainsi parée, ainsi placée par lui-même sur le piédestal, il pouvait la reconnaître pour son idole, se prosterner devant elle, l'adorer et dire « N'es-tu pas la plus belle entre les belles ? N'es-tu pas la plus pure ? N'es-tu pas la plus chaste ? N'as-tu pas l'étoile des jours heureux, la source de toute joie, la reine des amours ?» Ce n'était plus Marguerite, ce n'était plus une femme, c'était la femme, c'était l'amour. La passion chez les poètes a des mensonges spécieux. La femme aimée, ils ne la regardent jamais qu'au travers du miroir grossissant de leur imagination. Ils ont fait l'amour, non tel qu'ils le voyaient, mais tel qu'ils le voulaient. Ils en ont exalté les bonheurs et grandi les souffrances. Mais lorsqu'ils les éprouvent, ces souffrances ou ces bonheurs, c'est encore plus fortement qu'ils ne l'avaient rêvé. Les premiers esclaves d'un tyran qu'ils ont eu l'imprudence d'exalter, ils en sont ou les plus grandement récompensés ou les plus grandement punis. Il n'en était encore qu'à la récompense. Heureux de sa passion, il aimait sa passion même et n'osait pas demander davantage. Ne suis-je pas heureux ainsi? Pourquoi plus? Il se taisait, il était près d'elle, il la voyait, et durant cet instant rapide, rien ne manquait à son bonheur. Dans la seconde soirée, Marguerite avait deviné cet amour, mais elle ne laissa point paraître qu'elle en fût blessée, et sans encourager Maurice, elle ne le repoussa pas. Elle resta pour lui ce qu'elle était pour tous, aimable et souriante des lèvres, mais des lèvres seulement. Cet amour ressemblait si bien à un culte dégagé de toutes les choses de la terre qu'une femme seule pouvait le distinguer. Or, comme elle était la seule femme de son salon et se trouvait ainsi à l'abri d'une fâcheuse curiosité, elle laissa se développer sans obstacle une passion qui l'intéressait, si elle ne lui plaisait pas encore, et que son imagination aventureuse se promettait de suivre et d'observer. Elle se mit à jouer à l'amour. Dédaigneuse aujourd'hui, aimable demain, elle prit plaisir à abuser de son pouvoir pour en éprouver toute la force. Toujours soumis, il aima toujours la main qui le frappait ou le caressait, et supporta tout sans se plaindre et sans se trahir. Mais peu à peu, et à son insu, elle devint personnage important dans cette pièce, dont il n'avait d'abord voulu jouir que comme simple spectatrice, et l'esprit céda la place au cœur. Car pour être insensible à une passion comme celle de Maurice, pour n'être point gagné par une ardeur comme la sienne, pour rester froide en face de ce foyer d'amour, il fallait aimer déjà, et non seulement elle n'aimait pas, mais encore elle n'avait jamais aimé. Elle avait été désirée, elle avait désiré elle-même, les plaisirs des sens, elle les connaissait. Des chastes joies de l'amour, elle était innocente et vierge. C'était ces joies que Maurice lui offrait. Elle commença par être fière de ce sentiment d'adoration qu'elle inspirait, puis elle en fut heureuse. Des cordes, jusque-là, restées muettes en elle, résonnèrent et frissonnèrent au contact impérieux de cette brûlante passion. Sous cette prestigieuse influence, elle compara Maurice aux hommes qui l'entouraient et le trouva charmant, lui qu'elle avait été longtemps sans remarquer. Sa voix la fit tressaillir, elle aima à entendre prononcer son nom. Au théâtre, elle chercha son regard. Son dévouement, sa fidélité, son enthousiasme lui parurent remplis de promesses. Elle attendit de lui la révélation de jouissances nouvelles. La curiosité la poussèrent vers lui. Et lentement, elle s'enivra de cet espoir qui pousse les femmes à chercher dans un nouvel amant la rare et merveilleuse fleur d'idéal qu'elles n'ont point rencontrée dans les premiers. fleur qu'elles ont souvent foulée à leurs pieds sans la boire, et que dans leur infatuation, elles cherchent encore en accusant la fortune, au lieu d'accuser leur propre aveuglement ou leur propre stérilité. C'était ainsi qu'elles se laissaient entraîner vers Maurice. Il était jeune, inconnu, perdu dans la foule. Quel meilleur sujet pour une dernière expérience, mais surtout, preuve bien évidente qu'il était le messie attendu, le révélateur espéré, c'est que quoiqu'il n'eût pas encore parlé, elle était déjà heureuse. Elle se délectait dans cette pensée qu'il était un cœur ne vivant que pour elle, qu'elle était adorée le jour, invoquée la nuit, qu'il lui suffisait d'un geste pour donner le plus grand bonheur ou la plus terrible souffrance, qu'elle inspirait une passion infinie, que pour un homme jeune, intelligent, elle était la seule femme, elle était tout, elle était Dieu. Et puis, ce qui la poussait encore, c'était son expérience de la vie. Elle avait 27 ans et depuis 10 années elle vivait dans la duperie et dans le mensonge. Toutes les croyances de sa jeunesse ne lui avaient donné que des déceptions. Et maintenant, l'amour seul lui paraissait efficace et réel. En lui était son espérance, il était son refuge, la branche vers laquelle elle tendait les bras avant de disparaître engloutie dans le flot qui l'entraînait. Mais ce qu'elle voulait, c'était un amour jeune et exalté qui eut assez de force pour l'enlever jusqu'à lui, elle déjà lassée, accablée, assez de puissance pour ne se décourager pas, assez d'infini pour les nourrir tous deux et les soutenir toujours. Et Maurice, tel qu'elle le voyait, lui paraissait capable d'accomplir cette œuvre de rédemption et d'initiation. Pour lui, cependant, il était loin de savoir ce qui se passait dans le cœur et dans l'esprit de sa maîtresse, car il avait tout l'aveuglement et toute la sainte bêtise du premier amour. Il se croyait indigne d'elle. Prosterné dans la poussière, il n'osait lever les yeux sur son idole, ne voyant point les signes qu'elle commençait à lui faire. Sur ces entrefaites, M. Baudistel mourut tout à coup, étouffé par son asthme, et sa femme en éprouva tout juste le chagrin que doit ressentir une brune, en se voyant condamnée pour 6 mois à un deuil de laine. Cependant, pour se conformer aux convenances, sa règle en toute chose, elle dut fermer sa maison, renoncer à ses distractions qui faisaient le fond de sa vie même, et s'imposer une contrariété réelle pour feindre une douleur qu'elle ne ressentait pas. L'ennui n'ayant pas tardé à la prendre, le souvenir de Maurice le revint plus séduisant et plus important tout à la fois. Elle avait si bien l'habitude de le voir chaque jour qu'il lui manquait. Que faisait-il? Que devenait-il? Elle voulut le savoir, mais comme la chose était impossible directement, elle fit demander Donézac sous prétexte d'affaires et le pria de venir bientôt passer une soirée et d'amener Maurice pour la distraire un peu. La joie avec laquelle Marguerite l'accueillit aurait éclairé un amant moins jeune, mais lui ne vit rien, n'entendit rien, et il se perdit dans son propre tourbillon. Puis, à mesure que les minutes s'écoulèrent, la tristesse le gagna, il songeait que bientôt il faudrait partir. Marguerite, qui voyait ce trouble et en jouissait, prit alors pitié de ce pauvre niais, et comme il n'était pas seul, elle lui demanda une de ses dernières compositions pour lui donner une occasion de revenir. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, puis tous les jours. Chaque fois, ce fut sous un nouveau prétexte laborieusement cherché que Marguerite recevait en souriant. D'une exactitude parfaite, il arrivait tous les soirs l'esprit chargé de nouvelles et d'anecdotes. Car ignorant qu'il était lui-même le bonheur, il cherchait à se rendre agréable en amusant. Il disait les bruits de la journée, et Marguerite l'écoutait avec une impatience que souvent elle laissait échapper. Était-ce pour parler des autres? Était-ce pour faire de l'esprit qu'elle souhaitait sa présence? Et lui s'en allait, désespéré, criant du fond de son cœur, « Elle ne m'aimera jamais !» Il avait entouré son astre de tant de rayons qu'il en était maintenant ébloui. Il était victime de la grandeur de son amour. Il en avait fait une chose céleste et ne comprenait plus la réalité. Marguerite était l'ange, lui n'était que l'homme. Par un téméraire orgueil, devait-il se faire chasser du ciel? Cependant, lorsqu'il était seul, lorsqu'il n'était plus sous l'influence immédiate de ce regard qui le fascinait, il raisonnait un peu plus froidement. « Elle est femme, se disait-il, elle n'est que femme, et mon cœur est l'égal du sien. » Alors il se jurait d'être brave, non pas aujourd'hui ni demain, mais un jour qu'il fixait dans une certaine circonstance. Il préparait ses paroles, il se les répétait, il prévoyait les réponses de Marguerite, mais s'il venait à penser à son regard, il se sentait perdu. Alors il écrivait, il racontait ses joies, ses espérances, ses tortures. Il se faisait bien humble, bien suppliant, et sans hardisant dans un projet décisif, il partait. Jusqu'à la rue de Varennes, il osait tout, il imaginait tout. Mais en levant le lourd marteau, il était déjà moins ferme. La cour, qui était longue, lui paraissait infinie, tant ses artères battaient vite. En montant les marches du perron, ses jambes tremblaient. Lorsqu'il traversait toutes ces vastes pièces qui avaient fait de cet hôtel une des plus belles demeures de Paris, involontairement, il serrait son habit sur sa poitrine, ayant peur qu'on ne devinât sa lettre. Et il repartait sans avoir dit un mot de son amour. Car ce qui aura dû faire son espoir était précisément cela même qui faisait son découragement. Monsieur Baudistel vivant, Marguerite aurait été bien certaine qu'on l'aimait pour elle-même, aujourd'hui qu'elle était libre de sa main, aujourd'hui qu'elle possédait une grande fortune personnelle. Tout amour n'aurait-il pas l'air d'une spéculation? À cette idée seule, sa force, déjà bien hésitante, l'abandonnait. Pourquoi n'avait-il point parlé plus tôt? Elle ne comprenait rien à toutes ces alternatives de joie et de tristesse, et n'imaginait même pas qu'il pût avoir un seul instant les scrupules qui le tourmentaient. Si, en sa présence, elle subissait quelquefois, et malgré elle, la pudeur du premier amour, et laissait son âme se perdre à ces hauteurs qu'elle n'avait point encore soupçonnées, si elle n'était plus maîtresse d'elle-même, si son esprit ne trouvait rien à dire pendant que son cœur s'unissait au cœur de son amant, elle était trop femme pour rester longtemps dans les nuages. La situation lui paraissait clairement indiquée, et voyant que les choses en resteraient encore longtemps à ce point si elle n'en prenait pas la direction, elle descendit deux ou trois marches de son piédestal et se décida à intervenir activement dans leur destinée à tous deux. Il lui en coûtait bien de se dépouiller ainsi elle-même de quelques-uns des rayons de sa couronne. Mais il en est de la religion de l'amour comme de toutes les autres religions où la foi qui n'agit point paraît tiède et peu sincère. Jusqu'à ce jour, Maurice avait été très sobre de détails sur sa vie. Elle la lui fit raconter. Pour les malheurs de sa jeunesse, elle eut des compassions touchantes. Elle plaignit Madame Berthaud, elle l'admira. Elle voulut qu'il la peignît avec précision, comme un portraitiste de la vieille école allemande, ou avec la recherche et la minutie du procédé de Balzac. Elle l'aima. Elle aima aussi Monsieur le Tréfléant, dont le nom de pure noblesse lui était bien connu, et aussi le vieux Michon, et aussi l'abbé Hercouët. Tout cela, c'était avec des caresses pleines de grâce et de chatterie. Elle lui prenait la main pour mieux le plaindre, elle le regardait avec des yeux mouillés pour mieux le consoler. Il en vint à son séjour à Paris. Il parla de ses luttes, de ses souffrances, de son élan vers la gloire, de son ambition d'amour. Il dit avec une voix tremblante les bonheurs qu'il avait éprouvés à être admis chez elle, puis il s'arrêta. Marguerite, à son tour, raconta l'histoire de sa vie. Son père, après avoir dissipé une assez belle fortune, avait épousé la fille naturelle d'un petit prince allemand, le duc d'Almal Regnitz. L'amour et l'intérêt avaient fait ce singulier mariage, mais la jeune fille ne s'était pas montrée très tendre, et le duc, malgré ses promesses, était mort sans rien laisser à son gendre. Monsieur de Fargis avait plaidé et avait perdu. De ce mariage, il n'avait eu qu'une 100 000 francs en diamants, qui lui avait été donné avant le contrat, et une femme qui était loin de s'appliquer à lui rendre la vie agréable. Aussi n'avait-il point tardé à quitter Paris et à s'enfuir en Russie, où il avait de hautes amitiés qui probablement lui auraient refait une fortune s'il n'était pas mort presque aussitôt son arrivée à Saint-Pétersbourg. Resté sans la moindre fortune avec trois petites filles, au lieu de chercher à se rapprocher de la famille de son mari qui serait venue à son secours, Madame de Fargis l'avait fâchée et éloignée par ses exigences. Sa beauté détruite et ses enfants ne lui permettant pas un nouveau mariage, elle avait eu recours à un moyen héroïque. Protestante, elle s'était convertie, et elle avait commencé à vivre aux dépens du clergé et des quelques personnes pieuses qui avaient eu les honneurs de son abjuration. Son plan était assez habile et montrait qu'elle avait étudié la vie comme il appartenait à une Allemande. Deux de ses filles seraient religieuses. Marguerite, qui était la plus jolie, gagnerait avec sa beauté un riche mari. À cet endroit de sa confession, vrai dans le fond, habilement arrangé dans la forme, Marguerite se cacha le visage entre ses doigts, puis, regardant Maurice et le voyant ému, elle continua. « Ah, mon ami, vous ne savez pas, vous, si tendrement élevé, ce que c'est qu'être reçu par charité dans un couvent. À 8 ans, grâce à de puissantes influences, j'entrai au Sacré-Cœur et j'y restai jusqu'à 17. Alors je revins près de ma mère et j'appris le rôle que je devais jouer. Tous les matins nous allions à la messe, presque tous les soirs dans quelques salons respectables où nos amis nous avaient fait recevoir. J'étais presque paré, mais dans notre intérieur, nous payions chèrement ce luxe. Oui, mon ami, ces mains, que vous voyez aujourd'hui si blanches, ont souvent balayé et époussetées. Et par un mouvement de coquetterie, elle montra deux mains longues et étroites, où, dans une chair d'une pâleur lactée, les veines se dessinaient légèrement fines et bleuâtres, des mains admirables, qui, par le velouté, la transparence du tissu, faisaient délicieusement songer. Puis, reprenant, à mesure que le temps s'écoulait, nos ressources diminuaient, car nos protecteurs commençaient à se lasser. Plus d'une fois, nous avons déjeuné avec un seul œuf, ma mère et moi, et nous faisions même si peu de feu que ma plus jeune sœur retrouva à Pâques, dans la cheminée, un papier illustré de bonshommes en fusain qu'elle avait mis sous la tisée de bois pendant ses vacances de jour de l'an. Cependant, je ne me mariais pas. L'hiver, nous habitions Paris. L'été, nous allions à Luchon, à Dieppe, à Ems, à Bade, à Spa, dans tous ces lieux de réunion que fréquentent les mères en peine de filles à marier. Je voudrais dire tout ce que j'ai souffert dans mon orgueil et dans ma pudeur pendant ces longues années que je ne le pourrais pas. Plus d'une fois, j'ai sérieusement pensé à mourir. Enfin, M. Bodistel fit sa demande. Nous en étions arrivés à un tel degré de misère que j'acceptais. Ce mariage qui me faisait riche et envié me la fit la plus malheureuse des créatures. La pauvre femme, qui vous paraissait peut-être insoucieuse et frivole, au milieu de son salon, jouait une comédie qui la brisait. Ma vie de femme a surpassé en douleur ma vie de jeune fille. Aujourd'hui, arrivée à 24 ans, je n'ai pas connu une seule joie du cœur. Je n'étais aimé de personne, je n'ai jamais aimé. » Cela fut dit avec un naturel admirable. Elle exagérait, mais elle exagérait de bonne foi. C'était son cœur plus que son esprit qui parlait. Seulement, c'était un cœur de femme. Elle avait des regards et des intonations qui tiraient des larmes. Plus d'une fois, pendant ce récit, Maurice avait été pour l'interrompre en criant son amour, en disant que désormais elle avait un ami et un amant. Mais elle s'était faite si immaculée, si immatérielle, qu'à chaque parole, elle était devenue plus grande dans son cœur. Ce n'était pas une femme. Il ne l'aimait pas encore autant qu'elle le méritait. Jamais il ne serait digne d'un tel ange. En arrivant chez lui, il trouva une lettre de sa mère. Elle était malade et le rappelait près d'elle. Il fut aussitôt décidé. Là-bas, pensa-t-il, loin de sa présence, au milieu de mes amis, peut-être retrouverai-je le calme et le travail. Il vint chez Marguerite, décidé à lui annoncer son départ. Précisément, elle était plus charmante qu'elle ne l'avait jamais été. Lui était triste et silencieux. Il la regardait pour emporter son image et la mettre en son cœur solide et palpable. Chacun de ses coups d'œil avides valait une étreinte. L'entretien ne tarda pas à devenir pénible. Enfin, ne pouvant pas se contenir plus longtemps, « Je dois vous faire mes adieux, » dit-il d'une voix tremblante. « Vos adieux. » « Ma mère est malade. Elle désire ma présence. Vous partez ?»« Il le faut. » « Ah !» Sur ce « ah », bien sec, Marguerite détourna les yeux. Il se fit un long silence. « Quand partez-vous ? » fit tout à coup Marguerite. « Dans 2 jours. »« C'est d'un bon fils. Mais pourquoi ne partez-vous pas demain ?»« C'est que demain, » dit Maurice en se levant, « j'espérais venir une dernière fois. » Les paupières gonflées, les dents serrées, il attendit une réponse. « Venez demain, » dit-elle. Elle se leva à son tour, mais alors elle rencontra les yeux de Maurice, elle les vit suppliants. « Venez de bonne heure, » ajouta-t-elle, « nous dînerons ensemble. » Elle lui tendit la main. Il saisit cette main et tomba à genoux. Il l'embrassa plusieurs reprises, puis, se relevant, il s'enfuit sans même oser se retourner. Toute la nuit, il se demanda comment elle le recevrait. Elle le reçut, le sourire aux lèvres. Sa première parole fut une parole de politesse. Son premier regard fut un regard de bonheur. « Vous voyez, » dit-elle en se levant, « je n'ai point fait de cérémonie. » C'était un gros mensonge. Elle s'était faite irrésistible. Ce n'était ni une toilette de ville, ni une toilette de soirée, ni une toilette d'intérieur. C'était à la fois quelque chose de tout cela, quelque chose de frais et de jeune, de provoquant et de familier. Ses cheveux, rejetés en arrière, découvraient ses tempes. Sa robe, d'une mousseline blanche légère, laissait ses bras nus. Pas un bijou, pas un diamant, pas une fleur dans la coiffure, la beauté dans ce qu'elle avait de plus simple. Elle fut pleine d'attention et de séduction pendant le dîner. Maurice retrouva un peu de calme et de liberté d'esprit. Il sut presque jouir de son bonheur. Au salon, son embarras et ses craintes le reprirent, et il avait peur. Il ne pouvait pas toujours se taire. Mais de quoi parler, à moins de parler d'amour? Que dire, à moins de tout dire? Il n'osait même regarder Marguerite. De ses yeux partaient des éclairs plus éloquents que des paroles. On était alors au premier jour de l'été. Il avait fait une grande chaleur, l'air était lourd. Il fallut, pour respirer un peu, ouvrir les fenêtres qui donnaient sur un jardin allant jusqu'aux arbres du boulevard. Puis, comme les lumières attiraient une nuée de petits papillons nocturnes, Marguerite les fit enlever. Assis loin, l'un de l'autre, ils restèrent longtemps silencieux. Maurice se leva, et allant s'asseoir au piano, il se mit à jouer fiévreusement ce qu'il vint à l'esprit de plus gai, de plus riant, de plus fou. Il voulait réagir contre son cœur, s'étourdir lui-même. Cette verve factice ne dura guère. Bientôt il oublia la promesse qu'il s'était faite de rester calme, il ne songea plus qu'à sa passion, à ses espérances déçues, à ses joies anéanties, à son départ prochain. Et il sentit sourdre dans son âme une étrange symphonie. Sans affronter le regard de Marguerite, sans parler lui-même, il lui sembla qu'il pouvait avouer son amour, le laisser enfin éclater dans tout son emportement, et que si elle l'aimait, elle le saurait bien comprendre. Il se mit à chanter ses désirs, son bonheur, ses souffrances, toutes les phases de sa vie d'amant. Il les traduisit une à une, celle-ci avec ravissement, celle-là avec désespoir. Quand il en arriva à l'heure présente, à cette heure où il allait s'éloigner peut-être pour jamais, abandonnant l'improvisation pour appeler une mélodie que Marguerite aimait, il chanta « L'amour est une amie qui rend la liberté. Adieu donc pour la vie et pour l'éternité. » Jusqu'à ce moment, elle était restée accoudée sur l'appui de la fenêtre. Elle quitta la fenêtre pour s'approcher du piano. « Assez, » dit-elle faiblement, et elle posa sa main sur l'épaule de Maurice qui s'était levé. Ils demeurèrent les yeux dans les yeux, puis, attirés l'un vers l'autre, ils se rapprochèrent encore, et sans un seul mot de refus ou de prière, tous deux frissonnants, ils s'enlacèrent.